afin que croule ce tour de pervers et de fervers, afin que roule dans un vacuum d'enfer sous la bâtisseur mais votre corps et vos icônes. On la baisse, mais c'est le mise dans les tables.